ordinateur, il veut bien rechercher. J'ai trouvé les paroles. En espérant que ça va pas bloquer comme tout à l'heure. Mon ordinateur il s'est mis à bugger. Apparemment là non. Oh merde, c'est ça. Je cherche des paroles. Et ben t'as plein de publicités. Je suis en train de chercher les paroles. Tu mets un truc, t'as une page qui s'ouvre. 50 pubs, t'en as rien à foutre. Ah, là, celle-là, je vais peut-être pouvoir les prendre. Sans qu'il y ait une pub qui s'ouvre. Oh, une vidéo à côté. Les paroles. Je traîne dans le désert depuis plus de 28 jours. Depuis plus de 28 jours, il y a déjà quelques miracles qui disent de faire demi-tour. Et le site d'abord se sent en nous. Les fantômes syndicats, les marchands de Saint-Didier se sont mis sur le sky, reprochant mon attitude. C'est pas très populaire, les goûts de la solitude. Moi je traîne dans le désert depuis plus de 28 jours. Demi-tour. La fée des neiges me suit tapant sur son tambour. Fantôme syndical, les marchands de certitude se sont glissés jusque mal et en prochant mon attitude. C'est pas très populaire, les goûts de la solitude. Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu te demandes à qui ça sert. Toutes les règles un peu truquées, nous pouvons le faire jouer.